بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في المسألة العشرين، وهي مسألة في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قال dans le sens où il dit qu'ils ont dit que Allah a pris un enfant, subhana, yani qui soit exempt de tout défaut. Mais plutôt que tout ce qui est dans les cieux et la terre sont à lui et ils lui sont tous obéissants. Surat al-Baqara, verset 116. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبر في هذه الآية بما الموصولة أدل على غل العقلاء ثم عبر في قوله قانتون بصيغة الجمع المذكر الخاصة بالعقلاء. Que dans ce verset, Allah Azza wa Jal a employé le ism mawsoul ma dans sa parole, lorsqu'il dit بل له ما في السماوات والأرض. ما في السماوات والأرض, c'est un ism mawsoul du même catégorie que الذي والتي, sauf que ma, il s'emploie pour les, pour ce qui est عيل عاقل, ce qui n'a pas de raison, comme les animaux, les objets. قال ثم عبر في قوله قانتون, c'est-à-dire lui sont obéissants tous, بصيغه, avec la forme du ce qu'on appelle الجمع المذكر, يعني الجمع المذكر السالم, lorsqu'on rajoute un waw ou un nun à la fin d'un mot, comme مثلاً مسلمون عالمون تمام حول هذا. Et à la base, ce pluriel qu'on appelle الجمع المذكر السالم ne s'emploie que pour ce qui a une raison, que pour les hommes, soit en tant que dans les prénoms ou soit dans les descriptifs, que pour ce qui est doté d'une raison, c'est-à-dire les hommes à la base. Donc comment au début c'est un ism mawsoul pour ce qui est dénué de raison, et par la suite il emploie un pluriel qui revient à ce ism mawsoul sous une forme qui elle est exclusive pour ce qui est doué d'une raison, doté d'une raison. D'abord, avant de lire la réponse, lorsqu'on dit ma ism mawsoul li ayl aqil, parce qu'il n'a pas de raison, il serait mieux, comme les ulama du Nahou disent, de dire, car le ism mawsoul, la fois en avançant, il faut préciser que ils sont de différentes catégories. Et parmi eux, certains qui sont plus employés pour ce qui est une raison, et d'autres pour ce qui ne l'a pas. Mesalen, man yutlaq ala al-aqil, wa ma yutlaq ala ghayr al-aqil. Man, qui est dans le sens de celui, alladhi, on s'emploie pour ce qui est doté d'une raison. Et ma, comme dans ce verset-là, s'emploie pour ce qui est qui n'est pas doté d'une raison. Un exemple, tu vas dire ra'aytu man ja'aka. J'ai vu celui qui t'est venu. Dans ce qu'on a dit man ja'aka, la man, c'est ism mawsoul qui veut dire la personne qui t'est venue. Yani allazi ja'aka. Par contre, si tu dis ra'aytu ma ja'aka, j'ai vu ce qui t'est parvenu, c'est-à-dire ça peut être autre chose qu'un homme ou qu'une femme, ça peut être un objet, ça peut être un animal. Il y a une différence entre les deux, bien que ce n'est pas dans l'absolu. Dans le Coran, on a déjà vu man employé pour ce qu'on appelle ghayr al-aqil, et on a vu ma qui est employé pour ce qui est aqil. Il y a des exceptions qui ont été faites. L'autre tambih que je voulais faire, c'est par rapport à justement ce terme aqil, ghayr al-aqil. Et des ulama, ils ont dit, ça aurait été mieux de dire que man, on l'emploie pour ce qui est alim, et ma pour ce qui est ghayr al-alim. Pourquoi? Parce que man, on l'emploie également pour Allah Azza wa Jal. Il a été employé fi haqqillah Azza wa Jal. Et on ne dit pas que Allah il est aqil. Hadha laysa min sifatihi wa laysa min awsafihi. Mais on dit que Allah il est alim. Donc t'as des ulama, ils disent, on dit man lil alim wa man lil ghayr al-alim. Car également, le mukallaf, l'être humain, il a aussi du ilm. Bien qu'il est restreint, réduit et de peu de quantité, il a du ilm. Alors que les animaux, où les objets n'en ont pas, à la base. Donc ils disent, vaut mieux dire « alim » ou « ila alim ». Lakin, ça c'est, yani, le plus souvent vous allez entendre « aqil » ou « ila aqil ». Et Cheikh Othaymin, là-dessus, il dit en fait, c'est lorsqu'on les gens disent « aqil » ou « ila aqil », ils veulent faire parler en cela de tout ce qui est en dehors d'Allah, azawajal. Donc si jamais c'est avec cette niya-là, il n'y a pas de problème de dire cela. Shahid, pour revenir au shahid du verset, le shir va citer la réponse maintenant. Qala annama fis samawati wal ard min al khalq minhu al aqil wa ghayr al aqil. Donc dans les choses qui sont justement dans les cieux et dans la terre, il y a des choses qui sont aqil, dotées de raison, et d'autres qui sont ghayr al aqil, qui n'en ont pas. Fa ghulliba fil ism al mawsul ghayr al aqil. Donc dans l'ism mawsul, ce qui l'a emporté, qui a pris le dessus, c'est ce qui est ghayr al aqil. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal a employé ce ism mawsul. وَغُلِّبَ فِي سِيْغَةِ الْجَمْءِ الْعَقِلِ. Et que dans le pluriel qui est employé par la suite, ce qu'il a emporté, c'est ce qui est عَقِل. قَالَ وَالْنُكْتَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ بَلَّهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَمِيعَ الْخَلَائِقِ بِالنِّسْبَةِ لِمُلْكِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ سَوَاءٌ عَقِلٌ عَقِلُهُمْ وَغَيْرُهُمْ. Donc il a dit par rapport au verset, que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, toute la création par rapport à Allah Azzawajal, sont tous égaux, sont tous sa création. Ils sont tous sa création. Qu'ils soient aqil ou pas, ils sont tous sa création. Il dit فَالْعَقِلُ فِي ذَعْفِهِ وَعَجِهِ بِنِسْبَتِي إِلَى مُلْكِ اللَّهِ كَغَيْلِ الْعَقِلِ. Et par contre, celui qui est aqil, quand même, doté de raison, dans sa faiblesse et dans son incapacité par rapport au royaume d'Allah Azzawajal entier, il est au même stade que celui qui n'a pas de raison. C'est-à-dire, il ne vaut pas grand-chose en réalité par rapport à ce que Allah possède en lui-même. Bien qu'on sait que le mu'min a plus de valeur auprès d'Allah Azzawajal, l'honneur du mu'min a plus de valeur auprès d'Allah Azzawajal que la Kaaba, mathalan, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. Là, il parle à la wajh al-umum de façon générale. Qu'allez, wa lamma zakara al-qunut, lorsqu'il a, par contre, dans le verset, il cite par la suite l'obéissance. Wa wa at-ta'a, kana azhar fil-uqala min ghayrihim, abbara bima yadullu ala al-uqala taghriban lahum. Et lorsque Allah Azza wa Jal, après, il a cité que tous lui étaient obéissants, alors là, cette obéissance est plus apparente chez ceux qui sont dotés de raison que les autres. Donc de là, Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a employé le pluriel qui, à la base, s'applique sur ceux qui sont dotés de raison. Azawa Jawab Eshir. Que ce qui n'a pas de raison a été, au début, a pris le dessus du fait que toute la création d'Allah Azzawajal, nous sommes tous égaux et que nous sommes faibles. Donc comme un statut de, yani, non doté de raison. On a une raison, mais ce royaume est tellement grand que notre valeur est vraiment peu par rapport à cela. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, a mis toute chose, toute sa création à un même stade. Et à la fin du verset, lorsqu'il parle de l'obéissance, celle-ci est plus apparente chez ce qui est aqil, ce qui est doté de raison. Donc de là, il a fait dominer le côté aqil et il a employé le pluriel qui s'applique à cela. هذا وجوابه والحمد لله رب العالمين.